avant. Un. Avant les enfants. On va donc les connecter. En direct du toit du 7. Salut, il est connecté. En direct du 7, sur la terrasse. Voilà, welcome à vous la famille. Un petit message avant de démarrer dans 5 minutes. Installez-vous au live. Allez, venez vous connecter. Bienvenue dans le live en direct. Bon, bienvenue dans le live. Connectez-vous. On démarre dans 5 minutes. Salut à vous. On dirait du tout à 17. Voilà, je voulais faire ce live pour faire un petit clin d'œil à la nuit, les oubliés de la nuit, les clubs, les restos, les bars d'ambiance, les bowling. On en oublie certainement. Voilà. Tout ce que l'État a oublié. Je voulais faire ce petit clin d'œil aujourd'hui. Donc, faites partager l'événement. Là, ça va démarrer dans 5 minutes. Un petit clin d'œil que je voulais faire. Voilà la famille, allez-y, connectez-vous. J'espère que tout le monde est là, tout le monde va bien. Yeah, man. Ça va le frotter. On démarre en 3 minutes. Allez, les frater! On dirait du coin du 7, salut la famille du Tintin! Petit clin d'œil aux oubliés de la nuit. Ouais, tous ceux qu'on a oubliés dans la nuit. Surtout les discothèques, les bars ambiance, les bowling, les restos, les bars. Je pense à vous, la famille, le milieu de la nuit. On est là, on lâche pas l'affaire. Vous pouvez venir, hein, je suis sur le parking du 7, sur le toit. Je voulais faire un tour sur le parking, n'hésitez pas, hein, on a le droit. Un petit coup, un petit tour, un petit klaxon. Voilà. Je l'ai pas. Voilà, c'est parti les zinzins. Bienvenue, si vous êtes du côté de Changy, Orléans, vous pouvez passer hein, devant la route, klaxonner pour soutenir la nuit. Salut la famille des zinzins. Pour le monde de la nuit. J'ai l'événement là, direct sur Facebook, le 7, sur le toit. Salut la famille, salut les connectés. C'est parti pour une heure de mix. We'll be right back. c'est ça la nuit. Together, buttocks tight. Hey, pull in and arms straight out to the side. Amenez-vous sur le parking. Flex your hands up. Flexionnez. The heels of your opposite walls and circle forward. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6. On est au Cap d'Agde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. Sur le toit au 7.

Faire un tour de voiture, hein. Pas de problème, hein. C'est loin, loin. Si vous voulez venir faire un tour sur le parking, venez, hein. Venez, venez là sur le parking. Faire un petit tour, un petit coup de klaxon, solidaire avec la nuit. Over there, that I owe you. Salut le glamour, le Cap d'Aguela. Salut Dom. Salut Arnaiz. Salut les Zinzins, on est en direct sur le toit. En direct sur le toit du 7. Rappel de ça Arnaud. Extravagant, sans deuil du boombox à Orléans. C'était bon. Venez nous rejoindre, et vous pouvez faire un tour sur le parking en voiture si vous voulez vous klaxonner. Ça c'est sympa, il y a 2-3 voitures sur le parking qui klaxonnent. Salut Dom, salut Jessica. Salut le glamour au Cap d'Agde. Force à vous la nuit. Tout le milieu de la nuit là, je les soutiens avec ce live. Venez faire du bruit avec nous. Arnaud, tu te rappelles? C'est Extravadens Energy et c'est Vincent Richard. Tu te souviens? Putain, quelle soirée mon nono. Si on pouvait revenir à ça. Salut les fratés. Pour l'ouverture avec le vestiaire et tout. Hein. Promis. À vos marques, prêt, partez. Sur Facebook, là en direct d'Orléans, on est à Chargy, aider le monde de la nuit, le monde qui est en péril en ce moment. Salut à tous les connectés de la nuit là, salut le Nova qui est là, je salue le Georges, je salue le Cap d'Agde, le glamour au Cap d'Agde qui vient de se connecter, je salue la Suisse, la Belgique, je salue aussi l'île de la Réunion, je salue Djerba là où on nous regarde à Djerba, salut Djerba, salut Arnaud du Cap d'Agde, le DJ du glamour qui est aussi peiné lui. Venez exprimer votre colère là sur le direct, le live en direct du toit du 7 à Orléans. Je m'appelle Francky, je suis à la radio. C'est grâce à vous. Salut Virginia. Salut Bob qui vient de se connecter. Salut la famille des Zinzins. On nous a rien dit. Et aujourd'hui on est là. On n'a pas de nouvelles. Tous les gens de la nuit, big up la famille. C'est pour vous ce live. Force, partagez, appelez les amis. Tous les français de la nuit là. Ça va les zinzins, en direct du 7 sur le toit. Salut Laetitia, big up la famille. Il y a des gens qui sont passés me dire un petit coucou comme ça de la main, ça fait plaisir. Ouais, pas de rassemblement, hein, c'est interdit. Juste comme ça, un petit coup de klaxon, ça fait plaisir, ça monte le moral pour le genre de la nuit. On est avec vous les gars, surtout moi. Force à la nuit, force à la nuit. On voulait lancer un cri d'appel. Live, appelez les amis, partagez le live. En direct sur Facebook, le 7 Orléans. Ouais, Zinzin en direct d'Orléans. Ça va les Zinzins? Appelez les voisins, faites du bruit. Une heure ensemble pour la nuit. D'œil aux gens de la nuit là, tous les oubliés, les discothèques, les bowling, les bars de nuit, les bars d'ambiance, on est là les fratés, c'est pour vous, salut les zinzins. Protégez les autres, restez chez vous. Au personnel médical et à tous les héros du quotidien qui continuent le travail. petit live pour le monde de la nuit. Salut les fratés, salut les enfants. En direct d'Orléans sur le toit du 7. Salut Patricia. Et ceux qui sont à côté, vous pouvez vous arrêter sur le parking, faire un petit klaxon. Hein. Allez-y, allez-y, lâchez-vous. Salut José. Un petit coup de klaxon, ça nous remonte le moral. À tous les gens de la nuit qui sont oubliés depuis le début. Nous sommes en guerre. C'est pour pas oublier la nuit, ça. Il y en a qui sont là déjà. Happy Lan. DJ ce soir, vous allez retrouver en live justement samedi. Il est venu me faire un petit coucou, ça fait plaisir. On se fait coucou de loin, hein. On n'a pas le droit de monter, mais ça va. Merci pour... attends, on va faire une photo. Enfin, descends, on va faire une photo quand même. Descends, on les marche. Plaisir d'avoir des gens qui viennent vous voir. Pilon, je vous allez retrouver à 18h, 19h pour l'after. Ouais, pour l'apéro mix. C'est parti les zinzins. Mix live, salut Quentin. On a fait un petit selfie ensemble. Ouais. En direct d'Orléans. Le 7 sur la terrasse. On est bien au soleil. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Salut tous les connectés en direct jusqu'à 17h à peu près. Il y a du monde qui passe, ça fait plaisir. Ça va les zinzins, merci Anthony qui est passé. DJ, vous retrouvez ce soir à 18h dans l'after. On veut du monde là, appelez les voisins. Voilà, merci d'être là, on soutient la nuit. C'est pour le monde de la nuit, tous les DJ qui nous regardent, toutes les boîtes de nuit, tous les bars ambiance, tous les bowling qui sont fermés. Voilà, on pense à eux, tous les bars, tous les restaurants, les cafés, les hôtels. On sera les derniers roues du carrosse, nous les discothèques. Mais on est là, on soutient la nuit. On soutient la nuit grâce à vous. On est en direct sur Orléans. On est aux 7 discothèques. Encouragement, merci pour les cœurs. Salut Gérard, salut Sonia, salut Marc. je fais ce live pour soutenir la nuit, hein. Connectez-vous, salut Isabelle. Salut la nuit, salut Marc, salut Edouard. Ouais, salut Toulouse. Venez faire du bruit avec nous en live 7 à Changy du côté d'Orléans. Un petit live spécial 7 et spécial Jean de la Night. Connectez-vous. Une heure de mix encore avec vous. Salut Dani, salut Romy, salut Marc. Spécial pour la nuit, pour les oubliés de la nuit. Pour les oubliés de la nuit. Merci à DJ Anthony qui est passé nous voir, ça fait plaisir. De loin il m'a salué, il m'a fait un petit selfie avec lui en bas. On se retrouvait tout à l'heure à 18h, je crois, ou 19h, pour l'apéro mix avec Anthony. Ça fait plaisir de voir les DJ qui viennent vous voir. Salut Gérard, vous pouvez venir aussi sur le parking, n'hésitez pas. Hein. En bagnole, il n'y a pas de problème. Salut les zinzins, les fratés là. Show me love. feel close. Salut Dom, salut Séverine. Ça pour la nuit, salut la nuit, salut le Cap d'Agde, salut Djerba en Tunisie, salut l'île de la Réunion. Le DJ du glamour au Cap d'Agde, le plus gros club du Cap d'Agde, il est là. Le glamour, show libertin là-haut. Hein. Force au club, force au club, force au club. Force au club. Un petit coucou de loin. Salut Jean-Marie qui est connecté. Merci à vous les amis, merci Séverine. Merci mon François. Ah, ça fait plaisir. En direct d'Orléans, connecté sur le Facebook, le live. C'est bon ça, les Jambi. Et Arnaud du Cap d'Agde qui est là. Salut Antoine. Big up à mon ami Antoine qui est en alliance. Big up mon ami. Salut les connectés. Ça monte, on est en direct. Merci à Séverine. Ils sont venus. S20DM sont direct d'Orléans. Ah, il y a de la photo qui va basculer là. Hein, Séverine. C'est bien sous le soleil. Hein. On serait mieux dedans. Hein. Ah ouais. Hein. Ah, j'attends les gendarmes. J'attends plus que les gendarmes. Non, je rigole. On a le droit, on a le droit. Je suis seul au monde. Seul au monde sur le toit du 7 en direct. It's time to put an end to it. Try to clean my hair again. Start to resuscitate my engine. Try to walk back where I ran. Stéphanie, salut Antoine, ça va mon ami. Champagne, il est là. Champagne. Of me. Try to keep the frequency. Keep control. Au Cap-Nague, et ça se rappelait des bons souvenirs à l'époque, Nono. En direct d'Extravalence, rappelle mon Nono, c'est pour toi, mon ami. Mon pote Nono, ça, résident du glamour au Cap d'Agde, en souvenir d'énergie. Yeah. L'après-midi avec vous. Salut Laurent qui est connecté à l'instant. Salut Patricia. Salut à nos voisins qui nous ont donné l'autorisation de faire du bruit. Sur le toit du 7, en direct. Faire un message pour ce live, les oubliés de la nuit et les clubs, les bars de nuit, les oubliés de la nuit, hein. Manu, si tu me regardes, oh Manu, vas-y, assure. Non me sé, pues una canción de cantero. Mirados me dieron, está sonando tú, dime, al mundo se amó y yo este, ragazza dice cantero, la concha me quedé. Georges qui nous regarde, il y a José qui est là, merci à José au fait, merci mon José, merci Jean, Christelle qui est là aussi, il y a du monde, faites tourner la vidéo pour les oubliés de la nuit, les clubs, les bars d'ambiance, on est les derniers, tous les élus là, les députés qui nous regardent, tous ceux que je connais là, la famille, help, aidez-nous. When you listen to the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club, they're watching us. Le live spécial nuit jusqu'à 17h. Salut Jean-Marie. Salut Dominique. Salut Esmeralda. Salut. Oh, Marie-Agnès Linguet, la mère de Florie Les Aubrais qui est là. Marie-Agnès. La mère de Florie, voilà, je lance un cri d'appel, Marie-Agnès pour la nuit, regarde Marie-Agnès, sauvez la nuit, voilà Marie-Agnès Linguet, mère de Florie Les Aubrais, salut Marie-Agnès, passe le message. En tout cas, bravo pour tout ce que tu fais pour la ville de Florie, Marie-Agnès, bravo à toi. Allez, venez vous connecter, on est en direct sur le toit du 7. Et je suis seul au monde, hein. Allez. Bring the action. Rock and roll, everybody, let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. Slow, slow, hey, yo. Get a beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow, hey, yo. Rock it out, rock it out. If you know what we talking about, turn it up and burn down the house. Half, half, hey, yo. Turn it up and go turn it down. Here we go shake the ground. Everywhere do we go, we bring the action. When you're in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Allez, you're gonna turn the shit up. When we're in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. You see the girls in the club, they looking at us. They looking at us. They looking at us. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. Oh, On est à Orléans. Depuis le Portugal. Salut Estella. Préparez-vous les anciens là. En direct du toit 17. Fueron los días más felices. aime, je vous aime. Je bougerai pas du toit jusqu'à l'ouverture. Zaza! L'apéro avec Anthony tout à l'heure, DJ, sur sa page. L'apéro mix. Salut Nora, salut Christelle, salut Didier. sauver la nuit. Life is a mystery. Everyone must stand alone. Après un anniversaire, la dame m'a dit jeune fille, garçon, faire une soirée avec des potes, hein, vous allez où? Hein, où? Ça me fait plaisir de vous voir les amis là en direct. Vraiment plaisir de voir des vrais gens. Ça fait drôle de voir des gens. Salut Karine, plein de cœur aussi. Plein de cœur à vous la famille des Zinzins jusqu'à 5h. Jusqu'à 17h le live. Faire un big up aussi à Jardiland d'Orléans. Big up à Alexandra qui nous regarde à Jardiland. Salut. Big up à toi, tu vas comprendre. Salut Chris, salut Patricia. Salut Nini. Salut le glamour au cap. Big up à mon ami Antoine qui est là aussi. Salut Gérard. Sauvez la nuit. We'll be right back. faire un clin d'œil à Little Richard qui est parti il y a une semaine. Un petit clin d'œil à Little, un petit remix, c'était pour toi Gérard. À l'ancienne. Je vais faire un clin d'œil. Little Richard, écoute. Ah, salut Djerba, salut la Tunisie qui est là. Fais beau en Tunisie. Ouais, nous aussi. Comme ça vide. Little Richard, écoute, il arrive. Je voulais faire un clin d'œil à Little Richard. Il nous a quitté la semaine dernière. Ouais, c'est bien ça. On dirait que j'ai fait un camp de réfugiés derrière moi. On est un camp de réfugiés quoi. Sauver la nuit. Ah, on fait avec les moyens du bord hein. Y'a plus de thunes hein. Jusqu'à 5h. Salut Karl. Eh, j'ai pas fait un camp de réfugiés derrière moi là. Ah, je suis avec les moyens. Hein. Hey. Jusqu'à 5h, les fous là. Bien réfugié, seul au monde. Jusqu'à 5h, 2 heures de live sur le toit du 7. Vous avez été nombreux, ça fait plaisir. 15 minutes ensemble. Je vous ferai un petit mot juste derrière pour la nuit. Sauvez la nuit, en parlez autour de vous, hein, n'hésitez pas. Faites bouger. Qui nous regarde, Arnaud, DJ Arnaud, le DJ résident du glamour. Quel souvenir! Quel souvenir du boombox, énergie extravagance. Salut Laurent Billard dans la vaisselle. Salut Laetitia, mi amor. En direct d'Orléans, salut Antoine, big up mon ami. On est là. Champagne à ton retour. Salut ma voisine qui est là. Et là, je suis pas dans le baraque, hein, la voisine. Hein. Salut ma voisine, je suis au 7 sur le toit en direct du 7. Ça me rappelle il y a 4 ans la Color Day avec Antoine Clamaran, là, le photo en direct de l'île Charlemagne avec énergie, c'était énorme. Francky, Antoine Clamaran, en direct de l'île Charlemagne. Quelle soirée! Salut ma voisine! C'est samedi soir, bientôt. On devrait voir le club dans quelques heures et on est là, seul au monde, sur le toit. Je voulais faire un petit clin d'œil à mon ami Antoine. Voilà, c'est pour toi, mon ami, on pense à toi. Salut Nico, salut Seb. On est seul au monde, sur le toit du 7. Hein. Ouais, que samedi soir, ça fout un peu les boules. Hein. Soutenez la nuit. Hein. Le canard, ça, ce t-shirt il date, hein. Je l'avais fait avec le collègue qui se métissait avec mon pote Satan, j'en ai fait un titre. Le canard, il y a pas Satan, Younes qui est là aussi, qu'on retrouve dans le sauna en ce moment. Salut Jen, en direct du toit du 7. sur le toit pour la nuit, sauver la nuit. Je ferai un petit message juste au final là. Bougez pas les zinzins. Salut Gérard, salut Delphine qui est là. Salut Estrella. Marie-Agnès Linguet qui est là, la mère de Fleury, je salue. Salut Marie-Agnès. C'est plaisir de voir des élus là, connectés. Salut Charlotte. Je voulais remercier aussi tous ceux qui ont participé à la cagnotte du 7, merci beaucoup, ça nous a touchés. Ça a été super, c'était une bonne réussite et on a eu un peu de thunes quoi, merci à vous. 10 minutes dans le live, en direct du toit du 7. Vous êtes nombreux là encore. On se quitte à 5h. Et ouais, 2 heures de mix live, hein. Énorme. Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be allez, c'est du rap. Venez faire la fête avec nous, connectez-vous. Il y a encore du monde. Ouais, Séverine, un réel moment, bonheur. Est-ce que tu viens pour les vacances? Il y a bien chaud aujourd'hui, hein. Sauver la nuit, j'aimerais qu'on écoute le titre que j'ai fait juste pour vous. Voilà, comme ça, est-ce que tu viens pour les vacances? On s'écoute ça, le petit remix de Francky. Et puis on se quitte juste derrière, bougez pas la famille. On se retrouve derrière, bougez pas. Allez, je veux du cœur pour le final. Je veux des cœurs. les couleurs de l'océan. Moi, pour faire le mal, je chantais. Mixer, ça va, hein? Pour vous, allez, on y va! Je reviendrai danser une chanson triste, un slow d'été. Je te tiendrai la main en rentrant au petit matin. Ce que j'ai pensé à toi, les nuits d'hiver où j'avais froid. J'étais un goéland dans le ciel. À vous, à vous. Allez. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Est-ce que tu viens au 7? Je pense un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé. Quand ça s'arrête, hein. Et ben, c'était une superbe après-midi. Voilà, on était en direct au 7 discothèque. J'en ferai d'autres, hein, sur le toit du 7. Bah tiens, tous les samedis après-midi. Voilà, comme ça, ça serait sympa. Hein. Samedi prochain, je serai là encore. S'il fait beau, hein. Après, s'il fait pas beau, je le ferai dedans à ce moment-là. En tout cas, je voulais remercier les quelques personnes qui sont venues nous voir. Alors, elles sont venues nous voir de loin. On leur a fait coucou, on a fait des photos, c'était bien sympa. Il y a Anthony DJ, là, il va faire un live, là, je crois, dans une heure, voilà, sur sa page Facebook. Rejoignez-le. Merci Anthony, merci Séverine, merci François, merci tout le monde. Puis merci à vous d'être là. Et puis, bah, soutenez la nuit, essayez de la soutenir comme vous pouvez, comme on peut. C'est pas facile, hein, on n'a pas tous les moyens dans les mains. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas évident de revenir à une discothèque, un bar de nuit, etc. Mais on va se donner les moyens. Et puis, surtout, faites gaffe, prenez soin de vous, c'est important, hein. Voilà. Je vous embrasse très fort. Et merci du fond du cœur. Bisous la famille des Zinzins. J'avais plus de batterie, c'est pour ça que ça a coupé un petit peu. Merci, je vous aime très fort. Merci, merci, merci. Et encore merci pour la cagnotte. Voilà, ça nous a fait plaisir. Un petit peu de thunes, ça fait toujours du bien. Voilà, merci les Zinzins. Big up à Antoine Amos, big up Charlotte, big up Christelle, big up à tout le monde, Séverine, tout ça. On vous oublie pas. I love you. Ciao. Là.